Si nous parlions d'un métier très peu connu qui est le métier de la voix off de TGV. Écoutons, voici ce que peut donner la voix off du TGV, puisqu'elle a quand même une vie. Oui. Elle ne fait pas que ça. Par exemple, voici ce que ça donne dans le train. Au boulot, quoi. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du TGV 3647. Je vous rappelle que le wagon-restaurant se trouve en voiture numéro 4. Il vous sera proposé un grand choix de boissons pour la modique somme de 5 euros. Ainsi qu'un large éventail de sandwichs sandwichs avec du pain à l'ancienne. Profitez également de la formule presto en culot avec ses 9 articles, qui comprend un jus d'orange, un croque-monsieur, un yaourt, un gobelet, des couverts en plastique, une serviette, du sel, du poivre et un rince-doigt. Vous avez remarqué comme c'est rush dans le TGV. En attendant, donc, écoutez, voici la suite de ce métier de voix off du TGV, puisque des fois, il fait également les devoirs de ses enfants. Papa, c'est quoi le théorème de Thalès? Je te rappelle que la bibliothèque est dans la salle numéro 4. Là-bas, tu trouveras un large choix de livres de mathématiques dans lesquels tu trouveras les réponses à tes questions. Sache qu'à tout moment, tu peux te renseigner auprès d'une maman qui circule en permanence à l'intérieur de la maison. Merci. L'amour, il ne s'arrête jamais. Hein. Non, c'est pas vrai. Si. Bienvenue à bord du sextour numéro 14. Je vous rappelle qu'un large choix de positions vous seront proposés, tels que la levrette, le missionnaire, la brouette javanaise, le coup de la valve qui fuit. Allez, arrête ton baratin, viens. Oh. Oh. Oh. Oh. J'espère que vous avez passé un agréable voyage en notre compagnie. Vérifiez que vous n'avez rien oublié et rentrez bien chez vous. Merci. Mais, Attention à la fermeture des portes.